Premier livre des Rois, chapitre 10. Or la reine de Séba ayant appris la renommée de Salomon à cause du nom de l'Éternel, le vint éprouvée par des questions obscures. Et elle entra dans Jérusalem avec un fort grand train, et avec des chameaux qui portaient des choses aromatiques, et une grande quantité d'or, et de pierres précieuses, et étant venue à Salomon, elle lui parla de tout ce qu'elle avait en son cœur. Et Salomon lui expliqua tout ce qu'elle avait proposé, il n'y eut rien que le roi n'entendît, et qu'il ne lui expliqua. Alors la reine de Séba voyant toute la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, le logement de ses serviteurs, l'ordre du service de ses officiers, leurs vêtements, ses échansons, et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, elle fut toute ravie en elle-même. Et elle dit au roi, « Ce que j'ai appris dans mon pays de ton état et de ta sagesse, est véritable. Et je n'ai point cru ce qu'on en disait, jusqu'à ce que je sois venu, et que mes yeux l'aient vu, et voici on ne m'en avait point rapporté la moitié, ta sagesse et tes richesses surpassent, tout ce que j'en avais entendu. Oh que bienheureux sont tes gens, oh que bienheureux sont tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi, et qui écoutent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a eu pour agréable, afin de te mettre sur le trône d'Israël, car l'Éternel a aimé Israël à toujours, et t'a établi roi pour faire jugement et justice. » Puis elle fit présente au roi de 20 talents d'or, et d'une grande quantité de choses aromatiques, avec des pierres précieuses. Il ne vint jamais depuis une aussi grande abondance de choses aromatiques, que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Et la flotte d'Iram, qui avait apporté de l'or d'Ophir, apporta aussi en fort grande abondance du bois d'Almugim, et des pierres précieuses. Et le roi fit des barrières de ce bois d'Almugim, pour la maison de l'Éternel, et pour la maison royale, il en fit aussi des violons, et des musettes pour les chantres, il n'était point venu de ce bois d'Almugim, et on n'en avait point vu jusqu'à ce jour-là. Et le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle souhaita, et ce qu'elle lui demanda, outre ce qu'il lui donna selon la puissance d'un roi tel que Salomon. Puis il s'en retourna, et revint en son pays, avec ses serviteurs. Le poids de l'or qui revenait à Salomon chaque année, était de 666 talents d'or, sans ce qui lui revenait des facteurs marchands en gros, et de la marchandise de ceux qui vendaient en détail, et de tous les rois d'Arabie, et des gouverneurs de ce pays-là. Le roi Salomon fit aussi 200 grands boucliers d'or étendus au marteau, employant 600 pièces d'or pour chaque bouclier. Et 300 autres boucliers d'or étendus au marteau, employant 3 mines d'or pour chaque bouclier, et le roi les mit dans la maison du parc du Liban. Le roi fit aussi un grand trône d'ivoire, qu'il couvrit de fin or. Ce trône avait 6 degrés, et le haut du trône était rond par derrière, il y avait des accoudoirs de côté, et d'autres à l'endroit du siège, et 2 lions étaient auprès des accoudoirs. Il y avait aussi 12 lions sur les 6 degrés du trône, de côté et d'autre, il ne s'en est point fait de tel dans tous les royaumes. Et toute la vaisselle du buffet du roi Salomon était d'or, et tous les vaisseaux de la maison du parc du Liban étaient de fin or, il n'y en avait point d'argent, l'argent n'était rien estimé du temps de Salomon. Car le roi avait sur mer la flotte de Tarsie avec la flotte d'Iram, et en 3 ans une fois la flotte de Tarsie revenait, qui apportait de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes, et des paons. Ainsi le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, tant en richesse qu'en sagesse. Et tous les habitants de la terre, recherchaient de voir la face de Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise en son cœur. Et chacun d'eux lui apportait son présent, savoir, des vaisseaux d'argent, des vaisseaux d'or, des vêtements, des armes, des choses aromatiques, et on lui amenait des chevaux, et des mulets, tous les ans. Salomon fit aussi amas de chariots et de gens de cheval, tellement qu'il avait mis les 400 chariots, et 12 000 hommes de cheval, qu'il fit conduire dans les villes où il tenait ses chariots, il y en avait aussi auprès du roi à Jérusalem. Et le roi fit que l'argent n'était non plus prisé à Jérusalem que les pierres, et les cèdres que les figuiers sauvages qui sont dans les plaines, tant il y en avait. Or quant au péage qui appartenait à Salomon, de la traite des chevaux qu'on tirait d'Égypte, et du fil, les fermiers du roi se payaient en fil. Mais chaque chariot montait et sortait d'Égypte pour 600 pièces d'argent, et chaque cheval pour 150, et ainsi on en tirait par le moyen de ses fermiers pour tous les rois des Éthiens, et pour les rois de Syrie.